Et voilà, bonsoir à tous. Donc bonsoir à Pauline, bonsoir Rigaud, bonsoir Fildar. Salut Gigi. Et bonsoir Manu. Salut. Qui prend les platines. Donc le morceau qu'on vient d'écouter, voilà. Manu, s'il te plaît. Les deux morceaux, parce que j'ai pas eu. Voilà, faut demander à Fildar, c'est lui qui les a balance. Oh là là, putain, je suis emmerdé là, attends. Mais c'est là, là-bas. Mais non, c'est mon micro, je veux pas le tien. Donc c'était Spoon Nation. C'est ouais. Un nouveau morceau House. Et avant, on a écouté Robert Palmer. Ok. Every Kind of Magic. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce soir, ça va bien se passer. On va pas s'embrouiller parce qu'il y a quand même 12. Bon, allez, tu commences déjà à éteindre ton micro. Kind of magic. Bon, vous commencez pas là, s'il magic. Vous plaît. Magic. Ça, sinon, ça va terminer vite fait. Alors, donc, premier débat, ça va être sur les femmes enceintes. Et pour ça, on va accueillir Uterus, 25 ans, de Saint-Lô. On peut écouter Fun Radio oui, sur 94.6. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Oh là, baisse ta radio derrière. C'est pas la radio derrière moi, Gérard. C'est avec un sans-fil ? Non, non, un portable. Il est bien. Ouais, mais y a un peu trop de grasouille, hein. Non, non, c'est pas moi, hein. Donc, lèvres en feu, 24 ans de Reims, on écoute Fun Radio sur 101.7. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va? Ouais. Petit Pétus, oui. 26 ans de Blois, 100.6. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Salut. Et bonsoir. Gros jambon pour terminer, de 23 ans d'Agen, ouais. 106.5. Tout à fait, bonsoir à tous, bonsoir les filles, bonsoir l'équipe. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors première question, quelle envie peut avoir une femme enceinte? On va demander ça à un gros jambon. Bon, en général, elles ont envie de fraises, déjà, ça c'est le coup classique. Voilà, ça oui, ça c'était la réponse d'entrée. Ouais. Non mais ça, de toute manière, les femmes enceintes, la première chose qu'elles demandent à leur mari de leur acheter, c'est ça, c'est des fraises. Ah, c'est la question. Mais c'est une tradition, c'est quoi? Non mais c'est la tradition chez la femme enceinte, on n'y peut rien. Ma mère, moi, quand elle était enceinte de moi, elle voulait manger des huîtres. Non, mais attends. Non, toi, je te jure. Toi, tu t'écrases pour me dire. T'as peut-être une tête. C'est pour ça que t'as une tête d'huile. Une tête d'huile? Ouais. Avec des oreilles de chou. Alors, t'éteins ton micro et mon c'est. Père, il lui ramenait des bourriches d'huîtres. Oh là là, mais éteins ton micro, on en a rien à foutre de toi. Non, okay. Mais c'est pour te dire qu'on en a rien à foutre. Il n'y a pas que les fraises. On en a rien à foutre. Il y en a, ils bouffent d'autres choses. Des kisses. Oh, putain. Truc bizarre, ouais. Dégueulasse. Avec du pu, enfin, c'est une horreur. Vas-y, Gérard. Ouais. Bon, gros jambon, donc. Des fraises, et puis il y a aussi un autre truc, il faut quand même savoir que les femmes enceintes ont envie de sexe. Non, mais ça, c'est une question qu'on abordera plus tard dans la soirée. Ouais, non, mais pour l'instant, on en est à la première, on n'en est pas déjà ouais. À la question. Pour l'instant, ouais. Mais même les femmes pas enceintes. Même les femmes pas enceintes? Ouais, mais ça c'est pour l'entraînement, faut s'entraîner pour être enceinte. Non, parce qu'il faut se dire une chose, qu'il y a les fraises, il y a d'autres fruits que je vais dire après. Petit fœtus là. Pour moi d'abord, je précise, hein, là je suis actuellement enceinte. Mm-hmm. Tu veux peut-être savoir de combien de mois? Non. Si t'as la radio derrière, tu baisses. Si t'as l'haut-parleur de ton téléphone, tu le coupes. Parce que là, ça vient d'elle. Hein. T'as la radio devant aussi, tu baisses. Ça vient d'elle. Rien du tout. Non, parce que là, ça me fait du larcène et c'est pas tellement bon. Alors, ou si c'est Uterus avec un portable. Non, c'est pas moi, Gérard. Si, grillé, c'est elle. Non, mais vous avez pas commencé à vous prendre le chignon, là. Parce que sinon, c'est moi qui va perdre l'arbitre. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais en virer deux. Ok. Ouais, donc je réponds à ta question. Ouais. C'était quoi? Ah oui, les envies. Donc moi, je sais pas pourquoi. Hein. J'ai actuellement très très envie de saucisson, de Justin Bridau. Mmh. Non, mais c'est bien de préciser les marques. Ah, continuez, puis tu as perdu la première question. Non. Un gros bâton de berger. Hein. Alors toi déjà, gros bâton de berger, gros jambon. Dans ce cas-là, tu retournes voir. Tu retournes voir Apolline. C'est terminé. Hop. Au revoir. C'est une blague. Hein. On veut plus t'entendre. Et aussi, j'ai très très soif. Hein. De l'eau. Ah ouais, mais ça, de toute manière, une femme enceinte, normalement, je sais pas si c'est même vraiment... Il y en a certains qui sont pas enceints. Enceintes. Parce que, prennent beaucoup d'eau pour faire des autres choses. Mais bon, moi, je suis enceinte et j'ai besoin d'eau. Mais ça picole, hein. Gérard, oui. Si elle boit beaucoup plus d'eau, c'est parce qu'elle doit boire aussi pour le bébé? Bah oui. Ben c'est normalement, si je me souviens pas, si je me souviens bien, normalement, une femme enceinte doit boire plus d'un un litre 5 d'eau par jour. Oula, pas par jour, dans une journée, je crois, si je me trompe pas. C'est vrai que c'est... C'est vrai que... Et par jour, c'est combien? Alors, si dans une journée, c'est un litre et demi par jour, c'est quoi? Ben, tu multiplies par 12. Moi, j'ai entendu dire que c'était seulement par 24 heures. Non, mais ça dépend. Ouais. Ça dépend. Lèvre, on peut, pour toi. Ben, moi, en fait, c'est que moi aussi, je suis enceinte. Et en ce moment, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un légume que je déteste, mais quand je suis enceinte, je mange des blattes, mais pas possible. Quoi? Des blattes. Tu sais, c'est des grands légumes blancs, etc. C'est filandreux, je déteste ça. C'est des blattes, pas des blattes. Oh, peut-être. C'est des blattes. Ouais, peut-être. Non, c'est des blattes. C'est des salades de blattes. Non, c'est des blattes. Moi, j'ai vu en magasin, je les ai achetées justement, j'ai vu blattes, et donc du coup, moi, j'ai cru que c'était blattes. Hein. Non, mais ça, de toute manière, les blattes, c'est de la salade. T'as peut-être été au Petland. Ouais, je crois que t'as dû te tromper de légumes. Ah, pardon, alors c'est l'utérus. T'as raison, GG, je pense. Et donc, j'adore ça en ce moment, je me mange ça en salade. Et puis aussi, un truc aussi, bon, j'aime bien en temps normal, mais les cornichons, j'en fais des folies, je mange le pot la journée, quoi. Attends, c'est qui me répond, là? C'est Lèvre en feu. Ah, ouais, d'accord. C'est vrai, les cornichons, j'en raffole, je sais pas, côté sucré, j'aime bien, je crois. Donc, je sais pas, quoi. Non, mais cornichons, c'est sucré. Bien sûr. Ah, t'as déjà vu les cornichons sucrés, toi? Les Américains, les mangent cornichons des cornichons américains, ils sont sucrés, non. Ici. Non, je démange. GG, à la place d'accord de... D'accord avec toi, Gérard. Oh, s'il vous plaît, merci. À la place de Gros Jambon, on accueille Pampers, 50 ans de Toulouse. Salut, Pampers. Oui, allô, bonsoir. Salut, Pampers. Bonsoir. Bonsoir, les jeunes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu es père de famille? Oui, je suis père et grand-père de famille. Ta fréquence, s'il te plaît. Alors, à Toulouse, c'est 102.7. 102.7, ok. Donc, attends, je reviens tout de suite après sur... Tu restes là. Je demande à Uteris de répondre à la question. Toi, t'es éteint ton micro pour la cinquième fois, et maintenant, je veux plus entendre un micro allumé. Et là, le casque, c'est pareil, parce que sinon, ça va me faire du Larsen là-bas. Rigaud, ouais. avant qu'on demande à Uteris, une question IRC, non? Non, un petit sondage, vite fait. Ouais. Réalisé par Davy One auprès de l'hôpital psychiatrique de Suresnes. Mm-hmm. Donc en fait, 20% des femmes enceintes se trouvent trop grosses. 12% des femmes enceintes espèrent ne pas accoucher d'un petit Gérard. 26% des femmes enceintes ont au moins eu une fois une relation sexuelle dans leur vie. Et 64% des femmes enceintes aimeraient que tu fermes un peu ta sale gueule parce que t'es en train de réveiller le petit. Alors, c'est comment, Davy One? Alors Davy One, je t'emmerde parce que ton sondage n'a ni queue ni tête comme toi. Voilà. Alors, Uteris, pour toi. Moi, Gérard, je ne suis pas encore enceinte, mais j'y travaille parce que j'ai 25 ans et j'ai envie d'avoir un bébé. Mmh. Et en ce moment, j'ai beaucoup, très, très envie de langue de bœuf et d'épinards. Mmh. Je pense que tu réponds pas à la question, Kouyane. Si, je réponds tout à fait à la question. En ce moment, j'ai envie de langue de bœuf et d'épinards. Je ne sais pas de quoi j'aurais envie quand je suis enceinte. Non, alors, faut se dire une chose, que les femmes enceintes, c'était gros Jambon qui l'a dit, mais comme je l'ai viré parce qu'il... Ouais, il n'était pas dans le truc. Pampers, tu veux répondre, toi, avant que je donne à peu près ma réponse? Écoutez, oui, moi, il faut savoir que donc je suis père d'une grande famille. J'ai été marié 3 fois, quand même. Bon, attendez, s'il vous plaît, les piques derrière, on se calme. On se calme derrière, s'il vous plaît, les piques. Respect. Merci. Donc il faut savoir que j'ai quand même une progéniture qui s'élève à 9 enfants, lesquels ont quand même fait 23 petits-enfants. Oh, bravo. La dynastie avance. Bravo. Et d'ailleurs... Bravo. Merci. Et vous voyez, c'est pas qu'on fait un mariage, non? Non. Aidez-nous à repeupler la France, c'est tout ce que j'ai à dire. Mmh. La France a un gros problème démographique, monsieur Gérard, je crois que vous le savez. Mmh. Je crois que vous participez activement à ce mouvement de repeuplement de la France, on va dire. Ah non. Et je pense que si, il faut faire l'amour, je le dis à tous les couples qui nous écoutent, la sodomie ne fait pas d'enfant. Donc, ça c'est vrai, ouais. Oui, tout à fait, ce sont ces pratiques barbares que vous pratiquez à l'heure actuelle. Donc, non, mais je ne fais pas que ça, dans une journée, heureusement. De déposer les pratiques cristallines et les bipédo et de faire des enfants d'autres par la voie normale. D'accord. Voilà. Donc, alors pour répondre à la question quelle envie peut avoir une femme enceinte, donc c'est vrai que Gros Jambon l'avait dit, donc c'est les fraises, souvent c'est aussi les framboises, mais il y en a beaucoup aussi que je sais pas si parmi les trois filles là qu'on a, si Les deux, parce que il y en a deux qui sont enceintes là. Ouais. Tu pourrais leur demander c'est quoi leur envie, Gérard, par exemple. Non, de toute manière, on vient de le dire. Elle précisément, les filles qui sont avec nous, pas les filles en général, les fraises, mais elle. Qu'est-ce que vous mangez en réalité? Toi, elle avant un peu. Ouais, bah, ah, du saucisson, ah, oui. Ouais, mais elle l'a déjà dit. Ah, excuse-moi, Gérard. Eh, hey, débouche-toi les oreilles un peu, merde. Excuse-moi. C'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible de travailler avec un cap comme toi. Excuse-moi. Non, dégage. Non, c'est tout, les brompeux. Donc, toi, c'est saucisson. Petit pétus. Non, c'était pétus. Non, moi, j'ai pas répondu, les brompeux. Les brompeux, donc toi. Ben, moi, j'ai dit que c'était des blattes. Ah ouais, les blettes, les fameux trucs pourris, là, que j'aime pas, qui est dégueulasse à bouffer. Mais tu peux pas savoir, t'es pas en faim. Non, mais de toute manière, j'en ai déjà mangé des blettes. Mais je suis obligé de te faire gérer. Non, mais ça, c'est des légumes. Ça, je vais dire une chose, que ces légumes-là, c'est de la saloperie à bouffer. Alors, c'est dégueulasse. Ça se mange avec des chibres. Quand on est enceinte, on est constipé, c'est pas bête d'aller aux chiottes, hein. Tu me parles sur un autre ton, sinon, moi, je vais te dégager, toi. Bon, allez, hop, la grand-père, au revoir. Allez, hop. Au revoir. Oh là, elle va me parler sur un autre ton, hein, là, tu la vires complètement. Tu lui dis au revoir. Donc, alors, pour répondre à Utérus, Petit Pétus et Pampers, en attendant de retrouver une autre personne. Mm-hmm. Donc, les femmes enceintes, ce qu'elles ont envie à l'heure actuelle, c'est souvent de fraises, de framboises, de cerises. Et je sais aussi même, je suis pas trop sûr de ce que j'invente, mais faudrait que je... souvent de chocolat aussi. Et de glace, si je puis me permettre. Moi, ma deuxième femme, quand elle était enceinte, elle passait son temps à sucer des esquimaux non-stop toute la journée. Il faut savoir que ça bouffe de la gundasse quand même. Non, mais c'est vrai que... Attendez, s'il vous plaît, là, on se calme. C'est vrai qu'une femme enceinte, faut que l'homme lui cède tout. Donc, faut qu'elle lui fasse ce petit plat. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est tout à fait normal. Ouais, mais d'accord. Si je puis me permettre, je pense que c'est pas parce qu'une femme est enceinte, je veux dire, jusqu'au 8e mois, on va dire, qu'elle peut pas faire le ménage, la lessive, la vaisselle et les commissions, quoi. Non, mais attends, Petit Pétus, attendez, on va pas tous se mélanger là-dedans. On va pas s'embrouiller. Ouais. C'est vrai que la femme enceinte, dès les premiers mois, bon, ça va, ça se passe bien, elle fait tout ce qu'elle veut. Hein? Mais petit à petit, dès que ça commence à se voir, après, elle se laisse cajoler et aller. Ouais, donc après, normal, c'est... Non, mais après, c'est à l'homme de tout faire. Donc voilà. Nous, faut se dire une chose, on veut bien accomplir notre devoir de mettre une personne enceinte, de mettre notre copine enceinte, mais faut dire une chose, que derrière, c'est vrai qu'on a du mal à le supporter. Hein. Non, je vous comprends tout à fait, franchement. Mon copain qui s'est barré, il a eu tout à fait raison. Je veux dire, j'ai pas assez de problèmes, la vie est belle. Non mais attends. Pampers, Petit Pétus, c'est toi qui viens de répondre, donc t'es enceinte de 6 mois et ton copain t'a largué. Ouais. Ah non mais alors attends. Bon, c'est bon, t'es pas obligé de me rappeler des moments pas très... Non, mais attends, parce que là, c'est... Des moments douloureux, tu vas en vivre dans 3 mois à l'accouchement. Fini, ma fille, hein. Non, mais ça... T'as pas fini de chialer, hein. Fallait pas te faire mettre en cloque, c'est tout, hein. Oh! Non, bah, pleure plus, maintenant, c'est terminé, hein. Ah bah ça, tu l'as voulu, hein, maintenant, t'assumes, hein. T'assumes. Gérard, ce qu'on pourrait leur demander, c'est comme elles sont enceintes, quelles sont leurs envies? Non, il y en a qu'une. Est-ce qu'elles ont envie de manger? Ça fait la deuxième fois. Eh, Pildar, dégage! Hop! Fous-moi le camp des studios. Non, toi tu t'écrases. Ah, ils l'ont déjà dit. Ça y est, on va pas s'éterniser. C'est pas grave, vas-y. Par contre, moi j'ai une bonne question sur Minitel. Parce que j'écoutais Énergie dans le casque. C'est LC12 qui me demande, qui dit qu'on pourrait demander quelles envies elles avaient enceintes, les filles à l'antenne. Ah, ça, c'est une bonne question. Ah, bah voilà, ouais, mais quelle envie, il peut préciser quelles envies. Mais on vient d'en parler, c'est quelle envie peut avoir une femme enceinte? Oui, alors vas-y. Du saucisson. Bah alors, Petit Pétus, au revoir. Allez hop, on l'a déjà dit. C'est quoi la messe bordel là? Bah j'ai fait que répéter une question Minitel, moi je sais pas. Eh Manu, je crois que tu ferais mieux de te casser chez toi, ça vaudra mieux. On l'a déjà dit. Va voir ton bébé rose, va lui faire un bébé. Ça vaudra mieux parce que là c'était. Essaye de le faire rose, pas bleu quoi. Si tu fous ta merde, c'est pas la peine de rester. On l'a déjà dit, merde. Bon, toi t'éteins ton micro et t'arrêtes de gueuler parce que tout à l'heure je vais te niquer. On l'a déjà dit, merde. Bon, GG, à la place de lèvres de feu, on accueille Marc Ombilical, 45 ans, de Toulouse. Et je t'ai demandé des nanas qui... Bah, c'est une nana. Ah ouais, Marc, c'est une nana. Marco, ouais. Elle s'appelle. Alors vas-y, répète son nom. Alors, Marc Ombilical, 45 ans, de Toulouse. Elle va te donner la fréquence. Est-ce que je suis à l'antenne ? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est 102.7. Bonsoir. Pour... Salut. Bonsoir. Donc, alors, t'as pas entendu la question ? Ben non. Bon, alors, je la répète pour toi parce que tu viens d'arriver. Donc, alors, quelle envie peut avoir une femme enceinte ? Voilà. Ben moi, je peux dire que je suis une ex-femme de Pampers et qu'il peut prouver ses envies de sucer, quoi. Non, c'est faux, là. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête de me dire. Oh. Alors, attendez. Là, Apolline. Gérard, oui, Gérard. D'accord, c'est des merdes. Tu me gères ça. Monique. Attends, c'est toi, Monique ? Non, hé. Hop. Pampers. Ton prénom ? Pampers. Sandrine ? Non, Pampers. Oui, Gérard. Pampers. Tu laisses. Je vais demander à Apolline qu'elle gère ça. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé une de tes ex. Voilà. Ça, c'est pas bien, quoi. Alors, Apolline, tu dégages. Max ! Putain, mais c'est pas vrai, ça ! Mais non, mais Gérard, tu l'as fait. Non, je veux pas le savoir. Elle le savait pas, c'est pour ça. On l'excuse, elle savait pas. Non, mais attends, ça veut dire quoi ? Elle le savait pas. Non, je veux pas le savoir, il n'y a pas d'excuse. Ça fait la troisième anniversaire. Elle le savait pas. Ta gueule à toi. Elle le savait pas. Elle le savait pas. On reprend le débat. Gérard, assis-toi. C'est bon. On prend dans le calme. Commence pas. Appelle-moi Max. Il est pas 1h du matin. Dans le calme, bah oui. Donc on va gérer, on va virer la l'ex-femme de Pampers. Non, on vire Pampers. Non. Ah bon. Bah si. Et on va reprendre. Non. Bah si, ce serait logique de virer Pampers. Ah non. Mais si, d'accord. Non, parce que lui, il répond mieux. Alors elle. Il est bidon, Pampers. Non. C'est moi qui commence, c'est pas toi, d'accord, Manu ? Allez, d'accord. Tu fais ton boulot à l'arrière, ah, c'est tout, et tu t'éteins. Allez, on prend les trois. Et toi, tu t'éteins ton micro pour la cinquième fois. My friend, je suis avec toi. Alors, que faites-vous lorsqu'une femme enceinte... doit accoucher. On va demander à Utérus. Je te préviens, attendez avant de Utérus avant de répondre. C'est moi qui gère, t'inquiète. Ouais. Je te préviens, tu me la prends pas sous un autre nom. Non, impossible. Tu me vires carrément la personne. J'appelle mon avocat et attention, j'ai le bras long. Attention. Tu me vires carrément la personne. Il n'y a pas de lézard, Gérard. Ouais, t'as intérêt. Ça peut aller loin, méfiez-vous. Alors, allez, Utérus. Oui, Gérard, comment fait-on quand une femme va accoucher ? Voilà. On fait bouillir de l'eau, enfin, si t'as pas le temps d'aller le Non, que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher ? Oui. Bon, alors, toi, tu veux pour toi Si t'es loin de l'hôpital, tu fais bouillir de l'eau, tu prends des draps bien blancs, et puis là, tu utilises la méthode Leimste. Ah ouais, lorsqu'on est à la campagne et qu'on a personne qui prévenir, par exemple, les secours, les premiers secours d'urgence. Par exemple, donc tu fasses la méthode Leimste. Et c'est en fait des cours, enfin des méthodes pour accoucher en 10 minutes et sans douleur à la maison. D'accord. Ovaire qui pue, là, si elle est là. Elle arrive. Alors, petit fœtus. Oui, donc cette question me rappelle un vieux proverbe péruvien. Ah bon, péruvien qui disait « im atropa machin ». Je me rappelle pas très bien, mais attends, ma code, Ken. Je peux traduire peut-être. Non, mais attends. Ce proverbe péruvien dit que si on doit accoucher, on a besoin d'aller à l'hôpital. Ouais ? Non, mais attends. Ah, c'est vrai, ça. Non, mais que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher ? Je te demande à toi, petit fœtus. Soit tu réponds correctement à la question, ou soit je te gerbe. J'appelle avec le téléphone. Bon, allez, hop. Au revoir. Elle te répond. Elle te répond. Avec le téléphone, les renseignements d'abord, je fais le 12, je demande l'hôpital le plus proche de chez moi. La première chose à faire, c'est pas le 12 à appeler, c'est le 18 et le 15. Le 18 c'est gratuit, alors arrête tes conneries, petit pétus, dégage, au revoir. Allez hop, terminé pour elle. Hop, terminé. Gérard, en attendant, sur IRC, il y a Perforas, il te demande ce que ça donne si deux espèces différentes veulent se reproduire. Par exemple, un chien sans dents et un rhinocéros à tresse. J'en sais rien. Alors lui, j'y réponds pas, donc, c'est même plus la peine pas arrêter de dire des conneries comme ça sur sur l'IRC. Franchement. Pampers. Oui, tout à fait. Ben, moi, premièrement, j'appelle le médecin traitant de famille accoucheur. Ouais. Donc t'appelles, attends. Oui. Donc t'appelles ton médecin déjà en premier. Oui, j'appelle le fameux docteur Delamotte. Non, tu précises pas son nom, s'il te plaît, Pampers. Pardon. Vous calmez là un peu, là. Ensuite, il faut quand même amener mon épouse donc à l'hôpital. Donc je sors la Jaguar du garage. Non, mais attends. T'appelles ton médecin. Attends, Pampers. Oui. T'appelles ton médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace et après, qu'est-ce qu'il dit? Il me rejoint à l'hôpital, donc je prends... Non, mais attends, Pampers, pour l'instant, je crois que t'es en train de me prendre pour un con, je crois que tu vas faire comme Petit Pétus aussi, toi. Pourquoi? Non, c'est sérieux, il a eu 9 accouchements. Quand même. Il connaît, hein. Attends, parce que déjà, une, faut se dire une chose, t'appelles ton médecin, le médecin arrive, et lui fait le diagnostic, et après... Oui. Il fait une chose, il appelle le 18 ou le 15, et en principe, normalement, c'est le 18, parce que le 18, c'est gratuit, donc ils viennent très rapidement, et ça, je peux le confirmer, parce que j'ai déjà eu un enfant, hein, et donc, je sais que j'ai appelé le 18, ils sont venus, ils l'ont emmené, et ça a rien coûté, moi, j'ai suivi derrière très rapidement. Ah, mais je dis pas le contraire, mais ça m'empêche pas de sortir ma jague du garage. Non, de toute manière, normalement, tu n'as pas à prendre de responsabilité toi-même d'emmener ta femme à l'hôpital. Normalement, c'est les services compétents qui sont là pour le faire, parce que si t'as un accident, c'est toi qui es responsable de la vie de ton enfant derrière. Non, attends, je peux prendre ma jague. Non, mais il n'y a pas d'attente. J'ai le droit d'aller voir ma femme qui accouche quand même. Ouais, non, mais attends. De toute manière, moi, je viens de te poser la question. Que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher? Ouais. Hein, donc, c'est la première chose, c'est d'appeler son médecin traitant et après les secours quand le médecin traitant est là. Ça m'empêche pas de sortir ma jague pour aller à l'hôpital. Et puis poursuivre les secours, mais pas l'emmener. Je ne l'emmène pas, Gérard, voyons. Ah bon? Enfin, moi-même, je ne l'emmène pas, bien évidemment. Ah bon, dans ces cas-là, tu n'avais qu'à préciser parce que tu dis que tu l'emmenais. Donc, non. Non, mais ce qu'on pourrait demander, c'est leur désir quand elles sont enceintes. Bah ouais. Qu'est-ce qu'elles veulent quand elles sont enceintes? Dans l'ambulance. Accoucher, en général, elles veulent accoucher. Moi, c'est tellement dit à chaque fois, sors-le-moi de là parce que j'en peux plus, quoi. Mais ça, de manière, c'est pour se dire une chose, c'est qu'on prend la responsabilité, mais les nanas derrière doivent assumer pendant les 9 mois. Et donc, Aubert qui pue. Oh, ça sent, c'est long, 27 ans de Roubaix, j'avais obligé de préciser ta fréquence tout à l'heure. Donc, Salo, on l'avait dit. Donc, Roubaix, pour toi. Donc, Aubert qui pue, pardon. Bonsoir. Oui. La question, c'est par rapport à ton mari. Non, j'explique parce qu'elle est enceinte de 7 mois, donc elle va peut-être elle peut accoucher à tout moment. Donc il faut lui parler doucement parce qu'en fait elle est un peu. Oh non, mais attends, mais qu'elle se réveille dans ces cas-là. Hein. Elle est alitée. J'ai un peu fait le chien, c'est pour ça. Elle n'est pas en fait à Roubaix, elle est alitée. Mais je voulais témoigner quand même, Oui, t'as bien fait. On te passe à l'antenne, tu boostes. J'ai vu que c'était un débat sur les femmes enceintes et tout, tu t'appelais quoi pour. Pour un peu donner mon avis. Mmh. Et moi, je vis en concubinage, mais il est parti. Ah, d'accord. Donc, apparemment, ça fait comme Petit Pétus, ça a été pareil. Comme par hasard. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure, ouais. Ouais. Et, il est parti, et donc, du coup, je dois tout assumer toute seule. Et donc, j'ai du mal à m'entraîner, quoi. Donc, je prends le rôle du père et je m'entraîne à changer les poupées de ma future fille. Ouais, non, mais attends. Je sais que c'est une fille. Ouais, d'accord, mais t'as quand même tes parents derrière qui sont là pour t'épauler, quand même. Ben non, justement, parce que mon père est mort et ma mère habite loin, donc du coup, je me trouve un peu seule. Oh. Non, mais tu connais pas des amis sur Roubaix? Bah si, mais il y a beaucoup de boîtes postales là-bas, donc du coup, tu vois, il y a pas beaucoup de personnes qui habitent là-bas, donc... Parce que là, il y a une Lilloise, ça m'étonnerait qu'à Roubaix, il n'y a que des boîtes postales. Hein. Mais non, c'est pas ça, c'est que je te dis qu'en fait, on parle beaucoup de Roubaix, mais en fait, là-bas, il n'y a pas énormément de monde à qui on peut parler, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dur et que... Peut-être parce que je suis enceinte de 7 mois, mais bon, ça... Non, mais dans ce cas... À Roubaix, toi, t'as pris un pavé pendant la course de vélo, quoi. Attends, qui c'est qui parle comme ça, là? Qui c'est qui parle comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Va accoucher à la redoute. Oh, qui c'est qui parle comme ça? C'est drôle, je crois. C'est pas drôle, hein, les 3-6. C'est qui, là, qui parle comme ça, là? C'est qui? C'est pas sympa, je trouve. C'est Pedro, quoi. Non, faudrait peut-être essayer de me trouver celui qui s'amuse à ça, là, parce que ça va pas aller longtemps. Parce que je trouve pas ça sympa du tout, et c'est vrai qu'en ce moment c'est dur, et que je voulais simplement témoigner, parce que Gérard, je t'aime bien, et que je voulais simplement apporter quelque chose en plus au débat, si je pouvais. C'est bien. Ouais, donc, Pampers. Bah écoute, moi, mes grossesses, je les ai bien vécues, surtout celles de mes femmes, je les ai vues, j'ai vu ça de l'extérieur, moi, donc j'avais plutôt les bons côtés. C'est-à-dire que bon, faut quand même savoir qu'elles restent au lit pendant pas mal de temps. Après, elles doivent s'occuper des enfants et tout, donc ça me laissait le temps pour sortir, faire la fête avec mes amis, les parties de poker, tout ça. Attends, Pompers, parce que là, je vois que Manu et Rigaud sont en train de se marrer, donc vas-y, Rigaud, si c'est une question. Je me suis pas marré, moi. Non, tu t'es pas marré, tiens. C'est drôle, au moins. Me prends pas pour un con, hein. Ouais. C'est chaud, je peux pas. Gérard, ça parle pas de Sandy. Ça parle de Christine, c'est même pas la peine. Ça parle pas de Christine, ça parle pas de Sandy. Bon bah je vais te le lire, tu me l'as demandé. C'est Yankee qui dit que quand ta mère a accouché, elle a pas dit oh qu'il est beau, elle s'est demandé dans quelle chenille elle pourrait être abandonnée. Non, c'est pas ça que je voulais que tu lises. C'est si une femme est stérile, Gérard, est-ce que son enfant risque de l'être aussi? Attends, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est pas toi qui fais l'internet. Alors quand je t'appellerai pas, tu sortiras de sous le lit, tu regardes Technomax et tu fermes ta gueule maintenant. Ok. Et t'éteins ton micro. Voilà, bravo Gérard. Donc, sa question, j'y réponds même pas, ça vaudra même pas. Et la deuxième? C'était une bonne question, Gégé. Mais c'est une question d'Evy One. Il demande si une femme est stérile, est-ce que son enfant risque de l'être aussi? Alors, justement, si une femme est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Déjà, pour commencer, son enfant ne peut pas être stérile. Donc, déjà, sa question là-dedans, tu vois, elle est vite répondue. Parce qu'une femme qui est stérile ne peut pas avoir d'enfant, donc son enfant ne peut pas être, ne sera pas stérile à la naissance. Putain, là, je suis par terre. Terminé. Donc elle peut pas avoir d'enfant, mais son enfant ne sera pas stérile. Ben non, ben si elle peut pas avoir d'enfant, automatiquement. T'es quand même con. Un peu quand même. Je te dis pas. Ouais, va te faire sauter, toi. Regarde Technomax et fous-moi la paix. Alors, Pampers, donc pour finir. Bah écoute, je te disais donc tout à l'heure, moi j'ai vu ça de l'extérieur. Donc du temps pour aller glander avec mes amis du club de bridge, puisque j'en profite pendant que ma femme est immobilisée, club échangiste, tout ça, enfin tu vois, on va pas trop en parler. Attends, Pampers, oui, une question que je voulais te poser, dès que t'as su que t'allais avoir un enfant et tout ça, ouais. qu'est-ce que ça t'a fait toi dans ta tête personnellement? La première fois? Oui. C'est pas le sien. Polo, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Il a raison, parce que c'est vrai qu'avec ma femme, on tournait dans les clubs, donc j'étais pas forcément sûr que c'était le mien. Deuxièmement, ça m'a fait mal au crâne, parce que j'ai pris une des plus grosses bitures de ma vie, quand même, pour fêter ça, quoi. Ah bah ça, de toute manière, je pense que... J'ai éclaté au carré de vigne à la villageoise avec des potes, c'était grandiose. Non, mais c'est vrai qu'il faut se dire une chose, que pour ceux qui vont avoir des enfants par la suite, moi, je sais que le jour où Sandy en a un, moi, je prends une de ces bitures, mais carabinée tous les jeudis. Même pendant la conception. Ouais. Une carabinée, mais alors j'aurais du mal à m'y remettre. Ouais. Donc on va demander à Polo, 32 ans d'Arras, 101 points. Oui, bonsoir à tous. Salut Polo. Ça tombe très bien ton débat, parce que moi, ma femme a accouché la semaine dernière de deux... Félicitations. Bravo. De deux petites jumelles. Oh, très charmante. Qu'est-ce que tu dis, Gérard? Non, non, mais c'est bon, vas-y. Laisse-le parler. Ouais, Polo. Vas-y, Polo. Ouais, donc je disais qu'elle a accouché de petites jumelles. À l'hôpital Saint-Pultaya. Ouais, c'est ça. Alors bonne nuit. Donc t'as pas d'Arras, c'est de Paris. Donc mais tu me prendras pas. Tu me prendras. Non, tais-toi. Il est pas en train de te dire que la Saint-Pultaya c'est à Arras. Attends, il a bien dit à Paris. On sait très bien que c'est à Paris. Il s'appelle pas Polo, il s'appelle Tony. Mais non. Il s'appelle Tony, dégagé. Hop, si, c'est Tony. C'est Tony, au revoir. J'avais dit pas d'habituel. Terminé. Oh non. Ça y est, c'est fini. Hop, c'était Tony. Je m'en doutais. Mais non, mais. Mais c'était pas bien, je suis sûr. Si. C'est pas à Arras qu'on fait pitié, c'est à Suresnes qu'on fait pitié. Au revoir pour lui, terminé. C'est pas la peine de le prendre sous un autre nom parce que je l'ai reconnu. Bon. Bon, GG. À la place de Polo, on accueille Petit Prépuce, 29 ans, du Mont-Saint-Michel. Bonsoir. Faudrait peut-être avoir les fréquences. Bah, je te la donne. Je te la donne, 98.7. Donc, t'as quel âge? 29 ans, comme tu l'as dit, Apolline. Ouais, donc... Bonsoir. Salut à toi. Bonsoir. Mont-Saint-Michel. Donc, la fréquence que tu m'as dit? 98.7. un bébé? Ouais, il est à côté. Ah ben, ça s'entend. Gérard, une petite question de l'IRC vite fait avant de reprendre avec les auditeurs. Il y a Snooze qui te demande qui c'est qui était sur Terre en premier, c'était le bébé ou l'adulte? Et c'était en quelle année? Non, mais c'est... C'est toi? Je suis désolé, il fait ses dents. Ouais, non, mais c'est pas la peine de lui gueuler dessus disant tais-toi. Ouais. D'accord. Bah, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? T'as vu ce que ça donne après? Je l'étouffe, je le mets sous le coussin. Eh oh. Eh, je peux répondre quand même à la question IRC? Un biberon de pastilla. Putain, connard, ferme ta gueule! Bon, ouais, ouais. Elle parle à son gosse. Là. Mais non, mais attends, tu me la calmes. Ouais, direct. Tu me la calmes un peu, elle, là, parce que je vais pas entendre ferme ta gueule sans arrêt, ou sinon tu la gerbes. Donc, alors, tu me disais, Rigo. Oui, c'était Snooze qui voulait savoir qui c'est qui était arrivé en premier, si c'était le bébé ou l'homme, l'adulte, en fait. Non, parce qu'en fin de compte. Et en quelle année? Donc, en quelle année? Donc, et pourquoi? Non, mais faut se dire une chose. Et dans quel sens? Ouais, non, mais il n'y a pas de pourquoi. Et dans quel sens? Et ceci et cela ou autre. Donc, faut se dire une chose qu'on descend du sang. Alors? Oh, ta gueule, toi. Voilà. Donc, faut se dire une chose, qu'on descend du singe. Et donc, qui a fécondé? Donc, en principe, c'est la femme. Et après, c'est devenu des hommes, mais en quelle année, je ne sais pas. Voilà. Ça veut dire que les femmes sont devenues des hommes. Ah, voilà, par la suite. Petit enculé, là. Non! Bah, c'est vrai. Si les hommes sont devenus des femmes, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, de toute façon, ils sont pris dans le cul. Ah ouais, c'est du travelot, c'est clair. De toute façon, bon, ça y est, elle est calmée, là. Ouais, c'est bon. Donc, combien de temps peut durer une gestation si elle n'est pas enceinte? Ah, bonne question. Oula, dur. Alors, on va demander à Petit Prétus. Ça jette un froid. Moi, le bébé que vous entendez, hein, il est né un petit peu prématuré, il est né à 11 mois. Non, on t'a pas demandé ça, on t'a demandé la gestation. Réponds à la question, s'il te plaît. Pampers? Oui, tout à fait. Elle parle de quantité. Deux secondes, hein, faut que j'aille lui donner le biberon. Oh, ouais, non, bah alors, ouais. Ouais, mais tu voulais des femmes enceintes, hein, pour le débat, c'est ça? Alors, Pampers. Oui, tout à fait. Alors, la gestation, il faut prendre le problème à la base. Mm-hmm. Est-ce qu'on calcule à partir du moment de la pénétration, de l'éjaculation, de la fécondation ou de la... Attends, Pampers. Oui. Gérard, chante un truc au bébé, là. Ouais, vas-y. Chante une berceuse. Non, arrêtez, vous le faites pleurer. C'est une bonne action ce jour de jeudi. Je te dis d'arrêter, toi. Vas-y, chante-lui. Oh là là, oh. Tu peux lui chanter, s'il te plaît, je te demande si j'en... Non. Tu enlèves la 8, tu remets la 7. Garçon, fille, oh là là là là. Oh, le bordel au standard. Bah, c'est bien, ils sont deux. Ça. Ils sont deux au standard, ils sont même pas capables de gérer rien. C'est des merdes. Punaise, mais. Eh ben, vas-y, t'as qu'à lui faire un bébé carrément en direct, et puis comme ça, on est tranquille. Au lieu de danser, là, broutille, va. Bon, oh là, on y va. Bon, Pampers. C'est chaud. Qui c'est qui s'amuse à chanter comme ça, là? Une armée de garçons. Allez, on y va, bébé. On y va. Bon, Pampers. Oui, ben, donc, Gérard, je te disais, est-ce qu'on part à partir du moment de la fécondation ou autre? C'est-à-dire gestation, fécondation, pénétration ou accouchement? Comme tu veux. Ah bah je sais pas, ça change tout. Je dirais 0 minute, 20 minutes et 9 mois quoi. Okay. Pénétration, éjaculation, accouchement. Mmh. D'accord. Ouais. Auvert qui pue. Ben moi j'ai compté à peine, ne te rapproche pas trop du téléphone parce que le bébé il est très sensible. Ouais, mais je précise que je peux faire mieux de 20 minutes quand même en fait. Ouais quand même, je sais. Ouais, j'étais en train de me dire merde là t'as pas sûr. Pas beaucoup quand même, ouais. Non mais en y réfléchissant. Au vert qui pue. Ouais j'aimerais bien répondre. Ça peut être toute une nuit. Bon Pampers s'il te plaît. Non, c'est pour les filles, après vont s'inquiéter. Plusieurs fois tu peux quand même. Il y a une réputation à maintenir quand même. D'accord. Mais il n'y a pas bien haute alors. Manu. Vas-y. C'est bancal pendant 3 jours, l'autre jour, alors fais pas le malin. Vas-y, je l'ai calme. Ouais, non, mais calme-le, lui, parce que ça va pas aller long hein, avec lui. Donc, au vert qui pue. Ouais, moi j'ai compté à partir de spermicite et de l'oviparite, et je peux dire que ça a duré 42 semaines. Non, mais attends, 42 semaines, tu veux parler de quoi là-dedans? Bah, de la rencontre. J'ai compté à partir de spermicite et de l'oviparite. Ouais, tu peux préciser ce que ça veut dire, ce que tu es en train de me chanter, là? Ouais. En fait, le spermicide, c'est ce qui est avant le spermatozoïde. Est-ce que ah, non, mais tu oui, mais attendez, justement, Gérard, tu devais pas chercher gestation dans le ouais, dico. Ouais, ouais, bah, ouais, justement, ouais. Je l'ai, mais alors, c'est oublié. Non, mais je l'ai oublié chez moi. Oh, l'excuse de gars de 14 ans, tu sais, du qui a pas fait ses devoirs. Ouais, bah, tu vas voir, je t'appelle demain dans le bureau, tu m'appelles. C'est ça, le débat. Mais alors? On tue, hein, c'est du poulet? Non, mais. De toute façon, à chaque fois, tu dis je reviens la semaine prochaine, j'expliquerai, t'expliques jamais rien. Parce que tu. Eh, moi, vous faites pas chier. Mais non, mais tu. C'est tout ta gueule! Tu dis des trucs, tu fermes ta gueule! Tu fais jamais tu les la trucs! Tu la fermes! C'est vrai, tu les fais jamais. Alors, dans ce cas-là, tu. C'est vrai, tu les fais jamais. Non, mais c'est pas grave, vas-y, GG. Non, il arrive. Elle est déjà pétée, ta montre. Non, elle est réparée. C'est bon, tu peux la répéter, c'est bon. Toi, je te niquer ta race, toi, espèce de connard! Mais quoi? Oh, c'est une vraie petite racaille, ah, on y va. C'est pas grave, gestation, ça veut dire gester. Utérus. Gester en fait. Utérus. Attends, je voulais la définition de gestation. Non, ben, tu l'auras plus, attends, tu l'auras dimanche. J'ai cherché un dico. Ouais, ben, mange-toi et tu fermes ta gueule un peu. Bah, allez! T'es pas loupé, toi, fais gaffe! Ah, c'est son omoplate en cuivre. Vas-y, Utérus. Je sens que vous allez réfléchir à la question, on va s'écouter un disque. Non, mais vas-y. Ils sont calmes, vas-y. 9 mois ou 96 semaines. Voilà. Ouais, tu peux préciser? Bah, 9 mois ou 96 semaines. Je sais comment préciser mieux. Tu veux les jours? Non, mais tu peux préciser, parce que là, je comprends pas trop. Bah, c'est la réponse à ta question, Gérard. Ouais, c'est la réponse à ta question. Bah, de manière, c'est la femme humaine, c'est ça? Bah oui. Mmh. Donc, alors, une femme enceinte peut-elle manger et boire de n'importe quoi et de fumer en même temps? Et on va s'écouter. Ouais. Vous allez réfléchir. Pas tout de suite, Gigi, on en repose une encore. Non. Jusqu'après, on regarde. Moi, ouais, je peux fumer en même temps. Bah ouais. Alors, petit prétus. Oui, la question, elle est assez compliquée puisqu'il y a trois questions dans une question. Non, il y a une question avec. Il y a quand même trois questions. Manger, non. Boire. Une femme. Attends, je te répète la question. Vas-y, répète. Une femme enceinte. Peut-elle manger, boire de tout et de rien? Donc ça veut dire manger, boire de tout et de rien. Et de fumer. Bon, déjà, il faut se dire une chose. Attendez, parce que moi je vais déjà répondre tout de suite avant que vous me répondiez, parce que je sais que vous allez me le dire aussi. Ouais. Une femme enceinte, de toute manière, dès qu'elle entend un enfant, à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle puisse fumer. Alors, le mot gestation, merci. Je sais lire sur un... Mais dis-lui merci quand même, Gégé. Tu pourrais le remercier quand même, parce que tu fais rien, c'est les autres qui bossent pour toi. Merci pour la course, Fildar. Ouais. Alors, vas-y, Gégé. Gestation. Ouais, bah alors c'est un peu long, donc on va pas dire tout. Donc état d'une femelle vivipare entre nidation et mise bas chez les espèces qui nourrissent l'embryon, puis le fœtus par voie placentaire. Voilà, la durée de la gestation varie entre 13 jours chez l'Obson, 640 jours chez l'éléphant. Voilà, terminé. Gérard, justement, il y a Blue Dicky sur l'IRC, il voudrait savoir si la gestation elle est plus longue chez la femme que chez l'homme. Bah justement, on vient de le dire en l'instant. Ça veut dire quoi ce que tu as dit? Ah oui. Bah ça veut dire la question que je viens de poser. Donc c'est bien ce que j'avais récupéré sur ma feuille chez moi. Et tu peux regarder à gestionnaire aussi parce que Non. C'est gestation, c'est tout. Alors tu vas pas me gonfler non plus. Petit prétus. Prépus. Petit prétus, oui. Prépus. Prépus. Et comme prépus. Bon ben. Ouais. Toi, tu vas commencer par t'écraser. Tu vas pas me couper la parole toutes les 5 minutes, ok? Vas-y, Gérard. Tu vas pas faire. T'es pas dans l'émission de Max. C'est dans mes débats, d'accord? Je réponds. Donc vas-y. Donc Rigo, c'est un de mes ex. Et pour la question, Alors attends maintenant. Alors attends. Non, Rigo, petit prépuce. Ils sont dans l'air. Hein. Non. Je vois qui s'écoute. Terminé, tu Ah non, moi je voulais écouter. Non. Pas de prêt. C'est bon, allez. Non, faut arrêter, là. La connasse du 9-4, là, virez-la. Toi aussi, au revoir, Pampère. Non, laisse-le, il a raison, c'était une connasse. Attends. C'est pour ça que je l'ai tapé. Tu lui dis au revoir, c'est pas la peine, hein. Dans ces cas-là. Mon ex-femme, hein. Attention. Tu refais pas pareil, hein. Donc c'est terminé. Gérard, vite fait, il y a Checkmat sur l'IRC, il te demande est-ce que le nouveau-né peut choisir la ville où il veut naître? Comment ça? Au salon des nouveau-nés. Non, bah, de toute manière, ça dépend déjà de la ville où que ses parents habitent. De toute manière, la femme accouchera là où qu'elle habite. Il peut pas choisir sa ville exacte. C'est pas sûr là où elle habite, Gérard. Ça peut être si elle est en vacances ou une crème comme ça, ou en voyage, ou en déplacement. C'est pas forcément où elle habite. Non, mais d'accord. Genre, si elle est en vacances à Lyon, elle va pas revenir sur Paris. Non, mais attends, parce que faut se dire une chose, que lors d'un accouchement, tu repars pas tout de suite de la maternité. Ouais, justement, c'est ce que je te dis. Attends, je crois que c'est, que ça a pas pris 8 jours à tout casser. Hein, ça dépend comment ça s'est passé. Ouais, voilà, parce que si c'est une césarienne, c'est plus. C'est quoi une césarienne, c'est que tu l'endors et qu'ils sont obligés d'opérer. Ça, c'est dégueulasse. Ça, ouais. Ça je veux dire, moi c'est un con. Oh là là, le standard Bravo. Bravo. Donc, Pampers. Mais Gérard, j'en reviens, la césarienne, c'est ça? Ils ouvrent de quel côté? Là, devant, vers les fesses le ou Non, sur le ventre. Ah non, devant. Ok, d'accord. Ils sortent pas par les fesses. Mais non. Ah bon, putain, mais attends, toi t'es sorti par le cul, alors on le sait. C'est justement ce que me demandait Turpentine sur l'IRC. Elle me demandait si les nouveau-nés sortaient par l'utérus, le vagin ou l'anus. Bah, non, mais ils sortent par le vagin et c'est tout. Je dois la césarienne. Bah oui. Bah oui, avec la césarienne, ils sortent par le vagin. Voilà. Ouais, et les monsieur Anke, ils sortent. Comment? Je disais, les monsieur Anke, ils sortent par derrière. Ouais, c'est ça. Donc, Pampers, tu réponds à la question? Tout à fait. Bah écoute, non, il faut un régime diététique au niveau de l'alimentation. Faut pas manger n'importe quoi. Tu vois, pas de hamburger, pas de trucs gras. Par contre, on peut boire de tout, je crois. Hein. Mm-hmm. Moi, je sais que j'ai déjà vu des femmes, ça les empêchait pas de boire d'alcool. Hein. Elles étaient enceintes jusqu'aux dents, mais mm-hmm. Et vas-y que j'y vais en boîte de nuit, que je me trémousse le derrière et que je suis au bar et que je picole et compagnie. Mm-hmm. Mais c'est bon. Derrière, ouvert qui peut et utérus, s'il te plaît, vous le laissez parler, s'il vous plaît. Tout à fait. Par contre, je voudrais que tu précises, parce que t'as dit manger, boire, tout ou rien, et t'as dit fumer, et si vous voulez savoir si c'était fumé, tout ou rien aussi. Non mais attends, fumer, parce que normalement, je crois que ça doit être... attends, justement, je vais répondre... Moi, je sais que mon médecin, il a dit pas de cigarette interdite, par contre, chillum, bang, narguilé, tout ça, pas de problème. Mm-hmm. Ouais. Aubert qui pue. Ça relaxe, hein, c'est normal. Ouais, Aubert qui pue. Bon, ça dilate. Ouais, en perte, ça y est, c'est bon. Aubert qui pue. Bah ouais, moi je peux dire aussi que je me suis payé ma première cuite quand j'étais enceinte, hein, pour fêter le fait que j'étais enceinte quand j'ai appris, hein. Et parce que je bois pas d'alcool en général. Mmh. Et puis mon bébé d'eau aussi, je l'ai pris la première fois que j'ai fait mon échographie, quoi. J'ai fêté ça avec mon bébé. Et franchement, c'est là que j'ai pu ressentir les vraies vibrations avec mon enfant, quoi. Donc en fait, je conseille à la limite, si mes premiers bébés d'eau, dans l'échographie, on a une meilleure communication. Hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose, que déjà l'alcool est déconseillé quand vous êtes enceinte. Hein. Ouais. Les bédos à jeun, c'est mauvais. Hein. On me dit que si on fume du shit, on accouche d'un rigot sur la militaire. je réponds pas à ces questions-là. Utérus. Oui, Gérard. Moi, Pampers, oui. Un conseil que je te donne. C'est la deuxième fois que tu dis des conneries. Je disais que ça s'appelle la deuxième, la troisième, je te gerbe. Moi, je disais que c'était mignon, un môme avec une casquette. Oui, ouais, ben... C'est adorable. Un petit môme avec une casquette. Casquette Nike. Oui, Nike. Nike, envoyez des casquettes, merci. Vas-y, Gérard. Et puis envoyez-en aussi à l'espèce de gros nounours, là. Il en veut aussi parce qu'il copie sur son copain Rigo. Manu 20 rue Bayard, 75-08 Paris. Alors, Utérus, après, pendant la pause musicale, tu me donneras ça. Pendant la pause médicale, et c'est tout. Pendant la pause musicale, tu me donneras son nom, on lui répétera la question, il répondra. Moi, je coupe pas les gens comme ça. Ouais. Hop, Utérus. Oui, Gérard, alors moi, je suis contre tout ce qui se fume, tout ce qui boit comme alcool. Mmh. Donc, non. Pampers, attends. T'as jamais été enceinte, c'est pas possible. Bah, j'espère l'être, donc je fais en sorte que mon corps reste sain pour accueillir dans de meilleures conditions mon futur bébé. Et j'ai un régime tout à fait équilibré, donc je n'aurai pas d'efforts à faire à ce niveau-là. Attends, sans indiscrétion, tu peux me dire combien que tu pèses? Bon, moi. Je pèse 52 kilos, là, je suis pas encore enceinte, donc je sais pas à combien j'ai monté après. Ah ben, là, je vais te dire une chose, tu risques pas de monter, tu risques de descendre quand t'es enceinte. Hein. À mon avis, tu risques pas de prendre du poids quand t'es enceinte. Enfin, tu en perds. Ah bah, ça me rassure. Ouais, Aubert qui pue, je pense que j'ai pas tort, là, sur ça. Ça se trouve que t'as raison. Et c'est vrai que moi, j'ai été enceinte, bon, une fois. Et je peux te dire que j'ai vraiment bien maigri, quoi. Et ça, c'est pratique. Et je conseille à toutes celles qui veulent perdre du poids avant les vacances. Soyez enceinte, y a pas de problème. Est-ce que tu mettais le casque pendant que t'étais enceinte? Le quoi? Le casque. Ouais aussi, ouais. Mais tu m'as permis au moins de rester plus proche de mon bébé avec le casque, j'ai pu communiquer mieux, je trouvais, parce que j'avais pas de bruit. C'est plus sympa. Ok. Donc, Gégé, je voulais juste rajouter une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire, tu sais, du body tonic form, là, avec l'électricité quand on est enceinte, ou c'est dangereux pour l'enfant? Quoi? Tu sais, le truc, là, avec les électrodes, là, qui. Non, mais ça, en principe, c'est après. Oh, Pauline, tu laisses le Minitel devant Marnus, s'il te plaît. Tu fais le standard, t'es pas au Minitel, d'accord? T'es pas encore assez bien placé pour faire de l'aria. Bravo. Hein? Laissez travailler, GG, voilà, bien dit, GG. Donc, alors, utérus, donc, pour toi. Ah, il m'a mis dans. GG, ma question. Ouais, donc, toi, qu'est-ce que. L'électromuscle, alors. Non, tu parles de body dream, est-ce qu'on peut faire du body dream? Non, ça, c'est déconseillé, de toute manière. Tous les appareils électriques, c'est déconseillé pendant la grossesse. Pas de vibromasseur? Pas de toast, rien. Même pas de sécher les cheveux, rien du tout, que dalle. Non, mais attends, ça, c'est différent, ça. Attends, c'est électrique, hein. Non, mais attends, ce qu'il a voulu me dire, c'est les appareils qu'on se met sur le corps. Pour perdre du poids ou pour mincir. Ah, mais quand t'es enceinte. Les appareils dans le corps, je voulais savoir si c'était conseillé ou pas, Gégé. De quoi conseil. Les vibros. Bah, ouais. Non, ça, je veux pas. Non, mais on va pas rentrer dans les détails, c'est tout. Bah, tu pourrais nous dire au moins de la conseil. On veut juste rentrer dans la chatte, hein. Ouais, bah, tu verras ça à la prochaine question. Okay. Utérus. Oui, Gérard. Donc pour toi? Mais ça y est, je t'ai répondu. Alors moi je peux vous dire une chose, que déjà une femme enceinte peut-elle manger et boire de tout et de rien et de fumer? Déjà une chose qu'il faut bien se dire, c'est que pendant la grossesse la femme n'a pas le droit de fumer. Si elle fume, de toute manière, c'est son bébé qui va en dérouiller. Par contre, il y a une question qui va se rapprocher, donc on va la poser en même temps. Surtout, j'ai un conseil. Surtout, vous enlevez les graines de la zèbre parce que c'est très nocif. Ah, c'est quoi ça? Très, très, très nocif. D'accord. C'est pas grave. Boire si on veut, mais ça dépend de ce qu'elle veut boire. Pas de glace dans le Ricard. Pas de glaçon dans le Ricard. Non, mais même, de manière, je pense que l'alcool, normalement, c'est déconseillé. Non, c'est mauvais, c'est de boire froid, là, tout à fait. Bon, et Pampers! Pampers! C'est la troisième fois que je te dis, tu arrêtes de me couper la parole quand je réponds, s'il te plaît. Parce que là, sinon, je vais te virer. Tu connais un peu, c'est pour ça. Ouais, non, mais moi, je réponds aux questions, donc tu me coupes pas la parole comme ça, d'accord? Restons en bon terme. Ouais, non, mais pour l'instant, tu me laisses répondre aux questions. Attends, 5 minutes. D'accord. Ouais, Gérard, je voulais te demander, parce qu'on dit que c'est toujours bon pour la santé de boire un verre de vin, par exemple, par repas. Ouais. Est-ce que c'est conseillé quand on est enceinte de boire ce fameux verre de vin pendant le repas? Ou pas? Si tu peux, la personne peut boire un verre de vin, mais on ne sait pas exactement si c'est vraiment déconseillé. Mais faut boire. Pour un verre, ça doit pas. Non, mais faut boire modérément, c'est tout. Hein. Ouais, parce que sur IRC, ils n'arrêtent pas de me dire si vous buvez pas modérément, vous allez accoucher d'un petit Gérard, c'est pas bon. Non, mais ça, je réponds pas. Mais alors le bébé, il boit du vin quand la mère boit du vin? Ah bah oui, hein, de toute manière, ça. Donc c'est mauvais. C'est mauvais, c'est comme la cigarette. Mais c'est bon pour la mère. Peut-être pour la mère, mais c'est pas tellement. Alors on fait quoi? Pour le bébé, ben le mieux, c'est qu'il boive des jus d'orange ou des jus de pomme. Voilà. On va accueillir pour ça. Voilà. Faut que ça sorte. Ouais. 35 ans d'Ajaccio. Ouais. Bonsoir à toi. Salut à tous. Bonsoir. Salut. Oh là, j'ai l'impression que. On dirait Jojo ou. Ouais. Tu sais, ouais. Ah, c'est l'impression. Bah, c'est un corps. Ah, c'est un corps, c'est la même voix. Bah, j'ai l'accent, toi, non? J'ai l'accent corse, c'est normal. Ah ouais. Ah, la mafia. Ça va? Ça va, Jojo? Non, c'est pas Jojo. Alors, bon, tu réponds à la question avant qu'on fasse une pause musicale? Le problème, c'est que j'ai pas suivi. Oh non, mais attends. Okay. T'as pas suivi? Hein, on te meurt en tête, t'as pas écouté. Est-ce que la femme peut boire et manger ce qu'elle veut quand elle est enceinte? C'est-à-dire à drogue, colle, pépère? Tout à fait. En Corse, on est assez laxiste sur ce point de vue. Les femmes sont l'avenir de la Corse. Bon, d'accord. T'as des enfants ou pas? Oui, tout à fait. Dans ma maison en Corse, j'ai 5 enfants. Alors, donc, la question, c'est à quel moment peut-on passer la première visite médicale quand on est enceinte? On va demander à. D'Ajaccio. Oui, bonsoir. Alors, les premières visites médicales se passent. Je pense aux alentours du troisième mois de grossesse et ça se passe très bien. D'accord. Ils vont soit aller au médecin traitant ou à l'hôpital le plus proche. Et là, ils vous font le... Ah bon, tu crois que c'est le médecin traitant qui te fait les premières grossesses, toi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller au médecin traitant et ensuite aller à l'hôpital. Non, il n'y a pas besoin d'avis médical pour aller passer une visite de grossesse. Hein. Bah sur notre île, ça se passe comme ça. Peut-être sur votre île, mais pas chez nous en France. Bah, Ajaccio, c'est en France, hein. Je suis désolé aussi. Alors, faudra pas me prendre pour un con. Pas de politique. Mais faudra pas me prendre pour un con. Pampers. Ouais, bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les gens de l'île de Beauvais devraient se mettre d'accord avec nous. Il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin, tu vas directement à l'hôpital et c'est entre le deuxième et le troisième mois, il n'y a pas besoin de discuter, de poser des bombes, là, de faire sauter des gendarmeries. Pampers. Oui. Tu te calmes, s'il te plaît, Pampers. Là, un petit peu, là. Non. Tu te calmes, Pampers. C'est la plus belle île de France, hein. Bon, mais alors, tu te calmes, tu n'insistes pas sur, Il y a l'île de la Jatte aussi qui est bien. Bon, vous essayez de me calmer, Pampers, un peu. Je suis calmé. Tu vas te calmer avec Apolline au standard, tu vas voir. Ça va le calmer, mais bon. Elle va te calmer gentiment. Au verre qui pue. Aubert qui pue, s'il te plaît, merci. Moi, oui. Moi, je peux te dire que mon mari, mon ex-mari était gynécologue. Et quand j'ai eu mon premier enfant, donc je l'ai fait à partir du deuxième mois, mais je l'ai fait à la maison, quoi. Il avait tout le matériel, j'ai fait tout ça avec mon mari, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est amusant de faire ça sans en consulter un médecin. Bah, disons que lui, il a fait un peu la formation de médecin à l'avance, quoi. Donc, je trouve que c'est plus sympa, plus intime, quoi. Disons que là, c'est vrai qu'après, c'est fini également, quoi, la visite. Donc, comme c'était mon mari, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'il avait déjà son diplôme avec lui? Ah, bah oui, il l'avait affiché au mur. S'il n'était pas affiché au mur, hein, je ne l'aurais pas fait. Hein. Non, mais attends, et dans ce cas-là, comment tu déclares ça à la caisse d'allocation familiale? Ah! Bah, c'est gratuit pour moi. Non, tiens, alors mets-nous, t'as pas le droit parce que normalement tu dois avoir un papier de l'hôpital et ça doit être mis sur un carnet qui est délivré par la caisse d'allocation familiale et tout le temps quand tu vas faire ta visite médicale, normalement tu dois avoir le tampon de l'hôpital. Donc pour moi c'est du baratin ce que t'es en train de me dire. C'est du baratin. Ça y est, utérus, c'est bon, utérus. T'es malade comme un chien. Non, j'y crois pas. C'est une grossesse gazeuse. Qui, Gérard? Tu me la calmes ou tu me la vires complètement parce que les mensonges comme ça, j'aime pas trop. Faut que là, ça commence à... Tu balances ta question, petit. Vas-y, tu veux jouer. Allez, au revoir, hop. Allez, hop, terminé. Ah, Gérard, c'est un corps, fais gaffe à toi. Non, je m'en fous, hop, utérus. Fais gaffe. Ouais, Gérard. Ben, moi, je te dis, en ce moment, j'essaie de faire un enfant, je suis en pleine période d'ovulation. Donc, en fait, tous les matins, je vais chez le gynéco, il met des doigts pour voir si ça a bien pris, quoi. Ouais. Non, mais attends. Non, c'est vrai, hein. Je suis attends. Est-ce qu'il a un gros spéculum? Ouais, il a un super gros spéculum et en fait, c'est un très bon gynéco. Il a des gros doigts, donc il fait pas mal. Ouais. Et c'est beau la vie? Ouais, c'est beau la vie, ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Tu ferais pas comme Aubert qui pue, tu me prendrais pas pour un con? Ah non, Gérard, non, je te... Non, pas du tout. Non, au contraire, tu m'y laisserais. Je vois tellement que ça marche que j'y vais tous les jours, quoi. Non, mais attends, tu vas tous les jours. Non, mais tu prends pas les gens pour des cons. Ça, ah ouais, hein. Pas du tout. Je crois qu'à mon avis, là, je crois que les deux nanas qu'on a. Mais non, Gérard, à mon avis, vous êtes deux menteuses. Non, vous êtes deux menteuses. Pourquoi, Gérard? Vous êtes deux menteuses. Pourquoi tu dis ça, Gérard? Parce que, déjà, une, son copain, de manière, faut bien préciser qu'il doit avoir un tampon, donc, pour déclarer la... Il doit avoir un tampon. Non, c'est elle qui doit avoir un tampon. Peut-être qu'il m'a raconté des bobards et qu'il voulait simplement... Attends, parce que tu confirmes, tu l'as confirmé, de toute manière, tout le monde l'a bien entendu, tu l'as bien confirmé comme quoi qu'il avait un diplôme de médecin. Oui, il a un diplôme de médecin, peut-être qu'il m'a dit, en fait, qu'il faisait l'échographie, alors qu'en fait, c'était pas vrai, qu'il venait simplement ça pour s'amuser, pour profiter de moi. Mais alors, attends, dans ce cas-là, là, si c'est ton mari, pourquoi tu vas pas à l'hôpital aussitôt? Bon, ça y est, derrière celui qui s'aime. Oh bon, hey, c'est quoi ce voix là? Ça commence à bien faire, hein? Manu! C'est des auditrices. Regardez, hein, on les calme, Gérard, on les calme. Ça jouit un peu là. Je suis belle, moi. Bon. Voilà. Bon, on va les calmer et en attendant, on accueille Enceinte Nitouche. N'essaye pas de me changer les auditeurs, toi, parce que sinon tu vas morfler aussi. Tu vas faire comme Fuldar. Mais Gérard, c'est une nana, là. C'est Enceinte Nitouche, elle a 33 ans, elle est de Créteil, elle est enceinte jusqu'au cou. Bonsoir. Enceinte jusqu'au cou. Non, elle est enceinte de 9 mois et son médecin lui a dit qu'elle pouvait accoucher d'un moment à l'autre. Dans la soirée, donc, il est tout à fait possible. C'est prévu dans la soirée ou demain, donc on sait jamais. Donc s'il y a un problème pendant le débat. Tu l'appelles à Gérard, c'est le petit chien. Voilà, donc ça peut arriver à tout moment. Je suis dans la merde. Allez-y. Allez, vas-y, Gérard. Aidez-moi. Non, mais attends un peu. Respire, attends un peu. Souffle. Attends, mais la position, les jambes, ils sont croisés, je les mets comment là? C'est bon. Enceinte Nitouche, calme-toi. Attends deux secondes. Respire, mollo. Allez, on y va, Gérard, on continue. On va la faire respirer au standard. Ouais, on va parce que là, je vais pas continuer mon débat comme ça. Je prépare un cri de bébé qui fait. Donc, pour répondre à cette fameuse question sur les deux nanas, parce que Panthère, ça a bien répondu. Donc, alors moi, je peux vous confirmer que déjà... Oh, Pildar, s'il te plaît, tu te calmes avec Manu. Ah, ou sinon, vous sortez tous les deux. Ah non, il m'insulte, attends. Hein, ça commence à bien faire tous les deux, là, depuis tout à l'heure. Hein. Alors, donc, la question donc pour Robert et Uterus. Donc, déjà, pour bien dire une chose, que les consultations sont faites à l'hôpital et tu dois avoir ton livret de sang, ton carnet de santé. Mais maman menti, alors. Bah oui, on t'a menti. De toute manière, si tu t'es fait avoir comme ça, bah, hein, c'est tant pis pour toi, parce que normalement, ça doit être déclaré à la caisse d'allocation familiale. Et tous les mois, tu dois envoyer un papier comme quoi que t'as fait la visite médicale. Donc, à mon avis, pour moi, ce que tu m'as dit, si maman c'est... Maman menti, il a abusé de moi, quoi. Bah, s'il a abusé de toi, c'est quand même toi aussi la responsable, parce que dans ce cas-là, t'avais qu'à faire gaffe à ce que tu faisais. T'es aussi responsable. On est enceinte, on réfléchit pas toujours. Mais de toute manière, t'es aussi responsable que lui, ouais. Hein. Parce que déjà, il y a un papier que tu dois renvoyer constamment à la caisse d'allocation familiale lorsque tu fais tes visites médicales. Mais je sais qu'il avait ramené un PV, ouais, c'est tout. Ouais. Ah ouais, un PV, alors donc c'est du baratin. C'est du baratin. Pourquoi, Gérard, pourquoi? C'est du baratin parce que déjà, tu n'as pas t'amuser à envoyer un PV à la caisse d'allocation familiale. Mais non, pas à la caisse, c'est tout ce que je me souviens à l'époque. Je sais qu'il avait envoyé un PV, mais je n'avais pas vu de caisse d'allocation familiale. Non. Déjà, il faut se dire une chose, que déjà, toute grossesse doit être déclarée à la caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale vous envoie un livret et dessus c'est marqué tous les mois les visites médicales et pour vous renvoyer tous les mois, chaque fois, ce papier-là et pour que vous soyez payé en temps et en heure pour le système de grossesse. Ouais. Voilà. Gérard, t'as pas un petit sondage par rapport à ça là? Ah ouais. Question. Oh ouais. Un petit sondage. Attends, déjà une question plus importante. Après, on fera le sondage. Mais y a rien sur Internet là. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est Hugo, d'accord. Toi, tu fais le standard et tu mets ton micro pour la 11e fois consécutive. Oh, il a compté. Bon, alors à part Turpentine qui demande si Sandy elle aime se faire pisser dessus par une femme enceinte, mais ça, on va passer dessus vite fait. Il y a Frick qui nous écoute d'Angleterre via Internet. Il demande si les obsédés sexuels peuvent être gynécologues pour voir des chattes en fait. Non, il n'y a pas besoin de ça. De toute manière, faut dire... T'as pas besoin de gynéco, hein. Bon, vous me calmez, celle qui est enceinte. Souffle. Enceinte Nitouche, respire. Je me calme. Voilà, c'est bon. Sondage. Vas-y. Apolline, tu l'as mis complètement. Hop, terminé. Oh, bah attends. Ça y est, c'est bon. Allez, c'est ça. C'est un débat sur la femme enceinte. Ouais, mais attends, ouais. Mais de manière, moi, je fais pas des débats avec des trucs comme ça tout le long de la soirée. Bon, ça suffit. Non, mais bouche le trou, fais quelque chose. Alors, être enceinte est-il un signe de richesse? 58% des personnes répondent que la Porsche c'est mieux, donc je vois pas du tout le rapport avec les femmes enceintes, c'est pas grave. Ça, c'est encore des conneries à fil d'art, comme d'hab. Non. 39% des gens disent qu'avoir un bébé, il faut foncer et y aller. Ça. Je sais pas pourquoi. Allez-y, foncez si vous voulez un bébé, ouais. C'est ce que ça veut dire. Donc, 21% ne veulent pas répondre parce qu'ils sont japonais en vacances. Alors ça, ça ni queue ni tête comme celui qui m'a fait. C'est pas Rigo, ça, de toute manière, ça m'étonnerait. Bah, demande-lui. Non, parce que ça peut pas être Rigo. Parce que Rigo, il avait prévu un débat. Non, mais je l'ai refait, hein. Moi, je t'ai dit, j'ai bossé 5 fois plus que toi sur ce débat. Ouais, toi, ben... merci, je vois rien, les questions... Bah, écoute, on est obligé de t'amener un dictionnaire et ouais, tout. Ben... Ouais, bah, moi, des trucs comme ça, des sondages comme ça. Bon, bah, moi, je te fais plus rien. Ça plus voilà. Rien. Alors, êtes-vous pris de panique? Entre les potes, là. Ouais. Êtes-vous pris de panique? lorsque une femme enceinte en a trois ou plus, c'est-à-dire... Hein? On va voir ça. Alors, utérus. Trois d'un seul coup? Tu veux dire qu'elle est enceinte de trois bébés? Bah oui, ça se peut, hein. Et qu'elle se met à accoucher devant moi? Non mais attends, hé. Si je suis prise de panique, évidemment je suis prise de panique. Attends, trois bébés, t'es fou. J'ai jamais accouché personne, moi. Mais je te demande pas si toi, t'as déjà accouché quelqu'un. Je te demande si t'es pris de panique quand tu vois ça. Quand je vois une femme qui attend trois enfants? Oui. Non, moi je trouve ça beau. Bon, bah c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Au verre qui pue. Ben, je voulais savoir, mais c'est trois enfants en même temps, ou trois enfants l'un après l'autre Non, mais attends, Thérèse vient de te le dire. Ben, j'ai pas entendu. Oh là là là, mais... de tripler. Voilà. Ben, je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé aussi. J'ai vu la télé une fois, ils ont sorti... moi j'ai vu des quadruplés, pas les triplés, donc je peux pas parler. Moi j'ai vu des sextuplés, ça fait peur. Hein. Ouais, j'ai vu des quadruplés, et je peux te dire que bon, j'étais restée calme, mais bon, en même temps, j'avais les sueurs froides, quoi. Mais triplés, je peux pas répondre. Moi, je peux te dire une chose, que si, ça existe, parce que avant que Pampers réponde, le reportage utérus, je crois que c'est aux informations que tu as dû le voir aussi. Ouais, j'ai vu ça aux infos, hein, aux États-Unis, il y a une femme qui a accouché de 6 enfants d'un seul coup. Ouais, vivants. Les six sont encore vivants. Ah bon, les 6 sont pas morts-nés, quand même. Non, 6. J'ai vu 8 aussi une fois. Ah ouais, mais moi, jusqu'à ma... moi j'ai vu que 6, hein, alors avec... Pampers. Elle a accouché de 12 enfants. C'est sûr qu'ils étaient américains. Pampers. Ouais, bah écoute, je trouve que c'est bien quand ils arrivent comme ça avec les progrès de la science à faire survivre la portée entière. Je trouve que c'est beau. À savoir si je suis pris de panique, moi, non, pas du tout. Tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Donc, je veux dire, des morveux, comme on dit, hein, j'en ai torché, donc c'est pas 2-3 nières de plus qui vont m'impressionner, quoi. Donc, non, mais ça c'est sûr, vu à l'âge que t'as, que... Non, tu sais comment c'est, au bout d'un moment, on est blasé de la vie, quoi. Bah ouais, bah moi, c'est pareil, moi, je sais que j'en ai eu une, bon, bah là, la prochaine que j'attendrai avec ma compagne, ça sera pareil, hein. Bah ouais, tu sais comment ça se passe. Bah ouais, maintenant, je saurais comment faire, hein. Ah, bah maintenant, ouais. Donc, pourquoi, Gérard? Tu préfères avoir une petite fille ou un petit garçon? Non, personnellement, moi, ça me dérange pas du tout, tu vois. Moi, je prends ce qui me vient. Je serai pas un hamster, quoi. Un petit routier. Ouais. Alors, Fildar, quoi? Toi, t'as une gueule de singe, genre, tu fermes ton ça micro. Ça peut pas hamster, un hamster, ça a toutes ses dents. Douce, ça a des grosses dents devant. Ça peut pas être ça, c'est vrai. Vas-y, Manu. Bon, alors. Qui c'est qui a pas répondu? Tout le monde, donc si c'est bon. C'était quoi la question? Êtes-vous pris de panique lorsqu'une femme enceinte en a trois ou plus? Non, moi ça va, non. Je peux, moi? Moi aussi, après. Non, toi tu t'écrases. Putain, je peux même pas répondre aux questions. Non, toi, je te dis. Allô, enceinte des touches? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il arrive. Oh merde. Ça va, respire calmement. Souffle. C'est comme ça. Souffle. Doucement. Donnez-moi le top, c'est chaud. Je sens qu'il arrive. Souffle. Gérard, elle est où? Gérard, elle accouche là. Bon, hé, souffle. C'est toi qui m'as pris ça, tu fermes ta gueule, quoi. Souffle, enceinte des touches, souffle. Bien sûr, j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tu regardes l'espacement des contractions. Va chercher un chronomètre au lieu de souffler. Oui, souffle, c'est bien. Ouais, oh! Bon, t'en es où? Mais attends, elle accouche, on va pas la laisser. Attends, le... Gérard. T'en es où? Laisse-la accoucher, Gérard. T'en es où? Elle accouche! Mais Gérard! Dégage de ce studio, pétasse! Tu vois la tête? Dégage! Mais attends! Dégage! Gérard! Dégage! Elle a accouché! Ça y est! C'est quoi? Ouais. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille! Oh, c'est une petite fille! Ouais. Dégage! Bravo, Pauline! Attends. Ça va, là, faut lui faire son ro quand même. Tapote lui dans le dos. Il a fait un gros. Donc vraiment, ça va? Attends, tu ne veux pas prendre une petite photo là? Bon, maintenant, vous me gerbez ça, maintenant, ouais. Ah bon, gerbez ça, elle est enceinte. Elle vient d'accoucher. 8e question, prenez-vous soin de votre femme, enceinte ou non, et on va s'écouter. Non, pas maintenant. Non, tu fermes ta gueule et tu m'éteins les micros. Non, mais pas maintenant, on n'écoute pas maintenant, Gérard. C'est 2 heures. C'est impossible. Ouais, ben, surtout avec deux cons plus une pétasse, ça, je crois que. Non, mais Gérard, on a total. Gérard, tu te rends pas bien compte de ce qui vient de se passer là. Ta gueule à toi. Elle vient d'accoucher en direct. Ta gueule. Mais Gérard, pas des pétasses. Elle vient d'accoucher en direct. Ta gueule. Mais Gérard, tu devrais être fier, c'est le premier homme à la radio qui a fait accoucher une femme enceinte. Bah ouais, merde. Bah oui. Bravo. Je sais pas, faut que tu gardes mon adresse et qu'on va se faire plein d'argent. Tu seras peut-être le parrain. Tu seras peut-être le parrain. Le parrain. Le parrain. Le parrain. Allez, bébé! Non, rien! Les premiers vibrons de cas! Prenez! Je sais pas. Bon, occupe-toi un peu du petit, on continue le débat là. D'accord. Les vibrons de Fischer. Hein? Ah, c'est bon? Bon, Pampers, tu te calmes s'il te plaît! Ah, je suis calme. Prenez-vous soin de votre femme. Moi, je suis ému. Hein. Oh! C'est vrai, ça nous a retourné le cerveau. Bah, écoutez chatte. Gérard quand même, hein, parce que c'est ses débats même ça si. Ça a retourné la chatte quand même. C'est terrible aussi, ouais. Vas-y Gérard. Oui, Gérard, on t'écoute. Prenez-vous soin de votre femme enceinte ou non? Bah toi, je crois pas. Ah bon? attends, qui c'est qui vient de sortir cette connerie? C'est le gamin, c'est un nouveau venu. C'est qui? C'est le gamin, c'est la gamine. C'est qui? Dans le monde. C'est qui vient de sortir ça? C'est Polo. Oh non. Attends, il est encore là, Polo? Bah non, bah attends, t'as vu la voix, c'est Polo. Mais si, c'est Polo. Qui c'est qui a sorti ça, c'est une nana? Bon bah Polo, tant pis Gérard, c'est pas grave, enchaîne, enchaîne. Alors, Pampers. Ouais, bah écoute, non, attends, on va pas m'occuper d'elle, elle se débrouille. Attends, elle est grande, elle en a déjà fait, elle en a déjà pondu 3 ou 4 avant, c'est bon, elle connaît la technique, je vais pas la bichonner, c'est pour elle de s'occuper de moi. Monsieur, vous êtes un goujat. Mais non, oui. C'est pas une question d'être un goujat, c'est très bien que c'est pour la chatte, c'est pas mais c'est tout. Mais voilà, quoi, attends, on va pas assumer, on a déjà du mal à s'assumer, nous les hommes, avec ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous êtes vraiment à plaindre, hein. Non, mais voilà, et tout. Robert Uterus, ça suffit. Attends, il y a la journée de la femme, je suis désolé, il n'y a pas la journée de l'homme. Bah, si. Non, il y a la journée des droits de l'homme, mais pas la journée de l'homme. Non, mais attends, déjà, quand il y a la journée de la femme, c'est la catastrophe. Alors, on a le droit. Attends, Pompers, moi, je vais te dire une chose. La journée de la femme, il n'y a pas longtemps qu'elle est passée. Hein, ouais. Fais-moi confiance qu'avec la mienne, j'avais le droit de fermer ma gueule. Ah bah. Alors, on a le droit de rien dire. Ça, il y en a que pour elle. Alors la journée de la femme, on en a ras-le-bol. Voilà. Parce que vous commencez à nous les gonfler, les nanas. Voilà. Justement, non, Gérard. Oui, d'accord, si il y a une journée de la femme, ça veut dire que toute l'année, c'est la journée de l'homme. À propos de ça, sur le mini-pain, on me demande qu'est-ce que t'as fait de spécial, toi, à cette occasion. On me demande pour la journée de la femme sur Minitel. Ah bah moi, je sais même plus quand est-ce que ça. Ah bah j'ai regardé un Grand Prix de Formule 1. Voilà. Ça a dû la faire kiffer. Elle aime pas trop la Formule 1, justement. Gérard, est-ce que t'as assisté à l'accouchement? De ma première femme, non, parce que je devais aller livrer des trucs hyper importants. Pizza. Voilà. Non, j'étais routier, donc j'ai pas pu assister à l'accouchement. De toute manière, c'est justement, on va y en parler. D'accord. Ah, Gérard. Ah, c'est bon. Gérard, excuse-moi, à la place de... Non. Non, excuse-moi. Non, bah, d'accord. Alors, le prochain coup, tu me dis, bah, excuse-moi, à la place de... Non. Ben, bah, ça sera oui, alors, ok. Oh, c'est bon. Au verre qui pue. Ouais. Ouais, ben je suis pas lesbienne, donc je peux pas trop répondre. Hein. Mais j'ai une amie qui est lesbienne à côté, là, et... Non, mais si t'as du monde à côté de toi, c'est pas la peine de passer les gens. D'accord. Je passe pas les gens. Non, mais c'est pas la peine qu'à répondre pour toi. Dans ce cas-là, c'est toi qui réponds à la question, c'est pas ta copine. Utérus. Oui, Gérard. Mais j'ai pas répondu à la question. Bah alors, dépêche-toi. Bah, je voulais dire, c'est quoi la question? Bon, allez, hop. Au revoir. Comme ça, tu as. Hop. Terminé pour elle. Celle-là, tu peux lui dire en donc bas. Maintenant, je peux dire ce que j'allais dire, parce que j'avais quelqu'un d'avance. C'est Supersperme, 27 ans de Paris, 100.9. Supersperme, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir. Superferme. Bonsoir. C'est du Non, mais on voit que c'est du charme de qualité, c'est clair. Ouais. Pas mal. Claire, terminé pour elle. Fildar, s'il te plaît, avant que je repose la question pour Supersperme. Tu dis Supersperme, ouais. Tu Paris, 27 ans. Non, mais c'est bon. Tu dis au revoir. Oh! Tu dis au revoir. Supersperme, 27 ans. Non, mais tu dis au revoir. Supersperme. FM. Ok, alors Superperme pour toi. Superperme? Oui. Bah j'ai pas entendu la question, moi j'ai d'autres erreurs. Putain, je vais te balancer le dico, c'est d'une meuf. De me virer au vert qui pue avant que je parle. Au vert qui pue. Bon, j'espère pour ton matricule. Et on accueille Supersperme. Bonsoir. Alors Supersperme, la question. Bonsoir. Bonsoir. Donc Gérard, tu peux me poser la question parce que j'étais au standard. Et voilà. Et ça continue. Bravo. Bah je suis obligé. Fildar, tu peux pas leur préciser les questions qu'on dit? Ouais, ça te coûte cher. Ah, ça me coûte une photocopie et c'est 1,20 francs ici, j'ai plus un rond. Ouais, ben, je crois que avec les 50 balles que t'as eu d'augmentation pour ton internet, hein, je crois que c'est bon. S'il n'est pas capable de gérer les gens standards, c'est pas la peine. Bon, c'est comme Apolline. La question. Alors donc, je pense que. On s'occupe de sa femme, c'est enceinte ou pas, c'est ça. Voilà. Et donc, tu coupes bien de ma gueule, là aussi. Ouais, pas de problème. Ouais. Donc, bah non, pas du tout. J'en ai rien à foutre. La meuf, qu'elle soit enceinte ou pas, je la laisse se ballonner dans l'appart, et puis voilà, c'est tout. Okay. T'es vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est vrai. T'es vraiment dégueulasse, quoi. Attends, Pompers. T'es une nana super sperme. Bah ouais. Et le jour où tu la mets enceinte, que tu la laisses démerder toute seule dans l'appartement. Ça, là, tu vois, j'ai un gamin de 6 mois et bon, j'en ai bon, voilà quoi, elle était enceinte, j'en avais pas rien à foutre. Non, mais t'es vraiment un dégueulasse, toi. Ouais, mais attends, Gégé, moi je sais que tu connais pas trop le problème, mais la condition de l'homme, c'est assez dur quand même à assumer, je veux dire. Non, mais attends. On peut en plus non plus prendre en charge la condition de la ça. Femme. Je sais que tu vois pas bien le problème. Attendez. Ah, ça jouit là, ça jouit. Bon, ça commence à bien faire ces sons là. Il a gagné une terre. Bon, je sens qu'il y en a une, elle va se prendre une claque dans sa gueule tout à l'heure, ça va y faire tout le rôle là. Non, on continue le débat parce qu'il est déjà 12 heures. Ouais. Oui, de toute manière, il y a 12 questions. Hein. Ouais. Non, on va pas les faire, on va abréger. Non, parce qu'il faut faire l'autre débat. Parce qu'on en fait encore une et c'est tout après. En plus, c'est pourri là. Allez. Bon, de toute manière, c'est pourri pour voir les connards qu'on a à l'antenne. Non, mais c'est les questions, moi je trouve que les questions. Ouais. Eh ben, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas appelé pour les faire? Parce que je pouvais pas, j'avais trop de boulot. Comme moi j'ai fait les pigeons, après il fallait que je fasse les pistons, après tu déchires mes sondages et tout, c'est bon. Ouais, il est très désagréable, Rigo, ce soir. Bon, allez, dernière. De toute manière. Bon, on va aller à couche. Allez, on va. Attention, ça la vénère. Attendez. Attention, un zippo. Ouais. Bingo. Bingo. Oui, Gérard. Donc, dernière question. Peut-on. Je n'ai pas répondu, Gérard. Alors, vas-y, utérus pour terminer. Enceinte ni couche. Utérus non plus, mais c'est pas grave. Non, mais enceinte ni couche, je vais répondre. Bah, je voulais juste dire que. Tu donnes ça, quoi. Ferme ta gueule, merci. Hop, tu me verras. Les connasses, là, les chiennes, hop là. Là, il y en a une. J'ai rien dit. Ferme ta gueule, super sperme. Ok, désolé. Super sperme. Allez, on y va. Alors, la question, vas-y, Kérus, parce que ça va être terminé, je fais pas d'autres questions. Ça va se payer et moi j'espère que mon copain sera un peu plus indulgent et compréhensif que les deux blaireaux qu'on a à l'antenne, qui va un peu s'occuper de moi, qui va pas faire le goujard. Il aura des pattes. Attends Gérard, t'entends comment elle parle des mecs? Elle a tout à fait raison, parce que toi comment tu parles des nanas? Attends, c'est pareil. J'ai élevé 9 enfants et j'ai 23 petits-enfants alors. Allez hop. Quand même hein. Bon allez, conclusion du débat. Pour les anciens. Bon alors qui commence la conclusion poulet? Utérus pour la conclusion. Bah, je suis un peu énervé sur la fin là parce que ils m'ont un peu pris la tête. Ouais mais de manière. Attends, Pompers, ça suffit. Excusez-moi. Sinon, je voulais dire que j'étais contente quoi parce que j'ai de plus en plus envie d'avoir un enfant maintenant après l'accouchement qu'on a vécu tout ça c'était vachement. Non mais ça c'est des conneries t'inquiète pas. Non émotionnant et voilà quoi merci. Ok, donc à la prochaine. Pompers. Ouais, bah écoute, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ton micro, Pildar. Oui. Il faut repeupler la France. Donc dites non à la Sodo parce que ça marche pas. Et moi je voulais te souhaiter tous mes voeux de bonheur. Hein. J'espère que tu fonderas une grande famille. Et puis bah s'il y a un des chiots qui est viable sur la portée, tu me le gardes quoi. Hein. Ouais, bah tu vas te faire voir. Ok, bonne nuit. Super sperme. Ouais, bah alors moi avec la pauvre question que j'ai faite, je peux pas te faire vraiment une grosse conclusion. J'ai écouté le débat, c'était pas. Les questions étaient trop nazes, mais vraiment quoi. T'as fait du mauvais boulot, Gérard. Alors pourquoi qu'on t'a sélectionné pour la dernière question? Parce que j'ai cru que la dernière question allait être bonne, mais non, c'était là, c'était question quoi. Et bah alors si t'es pas content, t'avais qu'à pas appeler, c'est tout. Né. Voilà, alors en de bon entendeur, salut. Ok. Voilà, moi conclusion du débat, donc qu'est-ce que je pouvais rapporter de plus sur ça? Ben rien de spécial qu'à part Manu Pildar et puis Apolline, ça a été la vraie catastrophe. Rigo aussi, hein. Non, pas trop, parce que heureusement qu'il était là, parce que sinon t'aurais morflé plus que ça. J'ai des conclusions en plus. Donc hein. On va faire conclusion de l'IRC. Alors Putain la salope là-bas va se calmer ou quoi? C'est bonne toi. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, je sais pas. Enfin, vas-y, Rigo, c'est pas grave. Donc, alors, ça joue, hein. Alors, conclusion de Yankee, il dit écoutez Fun et voyez ce que ça donne quand une femme enceinte boit une bouteille de whisky et fume une cartouche de clope par jour. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il parle pour toi. Ouais, bah ça, je m'en doutais. Conclusion de F2B qui dit que Gérard, tu as encore accouché d'un débat de merde, ce serait cool si de ce côté-là tu pouvais aussi être impuissant. Il est plus fort à l'écrit. Ouais, c'est clair, beaucoup plus fort à l'écrit qu'à l'oral. Conclusion d'un certain Super Sperme qui est aussi sur IRC apparemment. Ah, je voulais savoir pourquoi la mère de GG s'est pas fait avorter, ça aurait été plus cool pour nous tous. Ça rigole, ça rigole. Donc, j'ai pas lu. Hein. Et on a terminé à combien là, avant que j'envoie la ZIC? Alors en France, on a terminé à. Ça a baissé là, on n'est plus que 5044. Oh merde.